L'exposé scientifique et technologique national du domaine pharmaceutique et des appareils médicaux a eu lieu le 25 et 26 courant au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part les cadres, les enseignants et les chercheurs des domaines éducatifs, scientifiques et sanitaires. Lors de l'exposé réparti en secteurs pharmaceutiques et des appareils médicaux, étaient présentés plus de 70 fruits de valeur. Par ailleurs, au séminaire national du domaine vétérinaire et d'élevage, tenu le 25 et 26 courant au Palais des sciences et techniques, étaient déposées plus de 120 thèses de valeur.